Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et adorer le Seigneur ce matin? Dis merci à Dieu. Dis merci. Ferme les yeux, dis merci. Est-ce que tu peux penser un peu à ce que le Seigneur a fait pour toi? Si tu es ici, comme je suis ici ce matin, cela veut dire que Dieu a été bon pour toi. Il t'a fait grâce que tu as vie ce matin. Seigneur, nous te remercions ce matin. Nous bénissons ton nom. Tu es grand, tu es merveilleux. Tu nous as sauvés, tu nous as bénis, tu nous as protégés. Tu nous as délivrés ce matin, nous te disons merci. Seigneur, nous sommes là une fois. Et ton esprit nous aide ce matin. Que ton esprit dispose bien nos cœurs pour recevoir cette parole. Tu as préparé la parole qui accomplit le dessein, la parole qui ne revient pas à toi, Seigneur, mais la parole qui reste, qui prend racine et qui porte des fruits dans nos vies, Seigneur. Que cette parole soit notre portion ce matin. La parole qui a la capacité de changer, a la capacité de sauver, la capacité de nous guérir, Seigneur. Que cette parole soit notre portion ce matin. Seigneur, ceux qui sont découragés, ceux qui veulent démissionner, Seigneur, ce matin, que cette parole les encourage. Au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent pas quoi faire, ce matin, que cette parole leur donne la lumière et la voix, leur montre la bonne voie. Au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont au carrefour de décision, ne savent pas quel chemin prendre, que cette parole le dirige au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Qui est ici pour la première fois? Invité. Oh, ok. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes? Alléluia. Nous sommes très contents que vous êtes ici avec nous ce matin. Et nous croyons qu'à la fin du culte, vous serez tous bénis. Alléluia. Vous serez changés. Vous ne serez plus les mêmes. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons apprendre certaines choses. Alléluia. Je suis toujours dans ce livre, alléluia, qui a beaucoup de choses pour nous. Amen. Nous apprenons beaucoup de choses dans le livre. Et donc, je pense que ce matin, vous serez encore bénis. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Wow. 15 leçons tirées de l'histoire de Lazare et du riche. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Lazare? Qui ne connaît pas l'histoire de Lazare et le riche? Qui ne connaît pas? Oh, ok, ok. Donc ce matin, on va apprendre de cette histoire. Alléluia. Et je pense que ta vie va changer. Amen. Vous êtes ici? Vous avez faim? Vous avez faim? Ok, donc répondez lorsque je demande. Alléluia. L'histoire de Lazare. Wow. Alléluia. Yeah. Luc chapitre 16. On va revoir encore l'histoire de Lazare. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du cerf. Alléluia. Ou bien chapitre, verset 19. Okay, verset. Il y avait un homme riche qui vivaient, qui étaient vêtus de pourpre et du fin lin, qui chaque jour menaient joyeuse et brillante vie. Et verset 20 dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ustère, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alléluia. Un pauvre, le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Alléluia. D'ailleurs, il y a en nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Wow! Est-ce maintenant vous connaissez l'histoire de Lazare et du riche? Ceux qui ne savaient pas avant. Alléluia. Dans Luc, chapitre 16, verset 19. À partir de verset 19 jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. C'est une histoire qui n'a pas bien terminé. Parce qu'il va vraiment dire que l'histoire, la personne souffre jusqu'à la fin, la personne est délivrée. Alléluia. OK. Mais dans le cas de l'homme riche, c'est le contraire. Et le cas de l'homme pauvre, Lazare, qui est Lazare, c'est aussi le contraire. Alléluia. L'homme riche menait une vie, une bonne vie, joyeuse et brillante. Alléluia. Mais à la fin, n'a pas bien terminé. Alléluia. Parce qu'il s'est retrouvé dans l'enfer. Alléluia. Mais Lazare, qui souffrait avant, pour lui, à la fin, il a eu une bonne vie. Alléluia. Yeah. Donc, c'est un peu... Et donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette histoire? Alléluia. On peut tirer certaines leçons. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu as le livre, la page 65, je pense. La page 65. Il y a 66. Alléluia. Le pauvre et le riche. Alléluia. Il a dit que les pauvres meurent avant les riches. Normalement. Ou bien. Parce que la Bible dit que Lazare mourut avant le riche. Parce que bon, les riches ont de l'argent, peuvent se soigner, aller à l'hôpital. Le pauvre n'a pas d'argent. Et donc, généralement, c'est ça, non? Généralement, les pauvres meurent avant les riches. Est-ce que c'est une bonne leçon? Alléluia. Yeah, les pauvres meurent avant les riches. Yeah. Wow. Donc, il faut pas être pauvre. Il faut travailler. Il faut apprendre bien pour avoir ton diplôme, pour trouver un boulot. Par la grâce de Dieu. Parce que c'est pas tous ceux qui ont le diplôme qui trouvent un bon boulot. Ou bien, yeah, ce n'est pas tous ceux qui ont le diplôme qui ont de bon boulot. Alléluia. Yeah. Et donc, il faut bien apprendre, mais il ne faut pas oublier, comme jeune, il ne faut pas oublier que Dieu existe. Alléluia. Comme jeune, il faut savoir qu'il y a un monde qui contrôle le monde que nous voyons. Yeah, comme si tu veux bien, tu ne veux pas. Tu crois bien, tu ne crois pas. C'est la vérité. Alléluia. Et certaines choses dans ta vie, qui se passent dans ta vie, ce sont des choses qui se passent quelque part. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, tu as dit qu'on commence dans l'école, et puis tu oublies Dieu. Alléluia. Yeah. Yeah. Et de cette histoire, on peut aussi apprendre que l'homme, hein, comme je dis, l'homme n'est pas ce que tu vois, seulement ce que tu vois. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Tu n'es pas ce que tu vois seulement. Yeah. Parce que comment est-ce qu'on a enterré Lazare dans le cimetière? On a enterré l'homme riche dans le cimetière. Il y avait eu des célébrations, surtout avec la mort du riche. Parce que normalement, lorsque les riches meurent, on fait beaucoup de célébrations. Yeah. Au Ghana ici, on fait beaucoup de trucs. Je ne sais pas si dans vos pays, c'est la même chose. Yeah. Parfois, durant le temps de funérailles, on peut changer l'habillement de la personne qui est morte. Le matin, on met quelque chose. Après quelques temps, on change un peu. Le mort est en train de faire la mode. Yeah, au Ghana, ici, ça se passe. Yeah, les gens font ça. Alléluia. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah, donc, tout le monde, on meurt et puis on t'amène dans le cimetière. Yeah, dans le cimetière. Alléluia. Et puis on dit qu'après 40 ans, je pense, après 40 ans, on ne peut rien voir de la personne qui a été enterrée. C'est seulement ce qui reste seulement les ongles et quoi encore? Les cheveux. Tout va disparaître. Alléluia. Tout le corps disparaît, c'est seulement les ongles et puis les cheveux qui restent après 40 ans. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez? Yeah. Donc, on enterre, on les enterre. Yeah. Si vous avez, il y a le soleil, s'il vous plaît, bougez un peu. Il ne faut pas avoir peur de manquer. Levez-vous. Ceux qui sont, il y a le soleil, bougez un peu là. Il y a de la place de l'autre côté. OK? Ninette, c'est Ninette? Yeah. Et puis, son voisin, ceux qui sont devant Ninette aussi. Yeah. Si ça vous gêne, vous pouvez bouger un peu. Il n'y a pas de problème. Okay? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Yeah. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Yeah. Alléluia. Amen. Yeah. Donc, on enterre ton corps. On amène le corps dans le cimetière. Et le corps se décompose. Alléluia. Mais c'est pas tout. C'est pas fini. Alléluia. Yeah, c'est pas fini. L'homme, la Bible dit que l'homme est un esprit. Il possède une âme et vit dans le corps. Yeah. Tu es un esprit. Alléluia. Toi, tu es un esprit. D'accord? Tu as une âme. L'âme, l'intelligence, tu réfléchis, tu as la volonté, tu as les désirs, tout cela, c'est là. Alléluia. L'école, c'est pour développer là. Yeah, tu es en train de développer là. Alléluia. Yeah. Et à l'église, tu es en train de renouveler là. C'est ce que nous faisons ici. Alléluia. Tu renouvelles là. Parce que la manière dont tu penses, la manière dont tu désires les choses, si on te laisse comme ça, les choses que tu vas... Donc, l'Église, la parole de Dieu, renouvelle ton intelligence pour que tu penses la même manière que Jésus a pensé. Tu agisses de la même manière que Jésus a agi, ou bien Dieu veut qu'on agisse. Alléluia. Qu'on se comporte. Amen. Donc, nous développons l'intelligence à l'Église, à l'école, mais nous renouvelons l'intelligence à l'Église. Et c'est ça qui change nos vies. C'est ça que tu vois quelqu'un qui boit, qui est sous l'art. Chaque matin, il se lève pour boire. Il vient à l'église et puis la parole de Dieu change son intelligence concernant boire. Il dit que je ne bois plus parce que ce n'est pas bon pour moi. Donc ça renouvelle l'intelligence, la parole de Dieu. Alléluia. Donc lorsque la parole de Dieu arrive à toi, accepte de renouveler ton intelligence. Parce que beaucoup de personnes qui ne changent pas, c'est parce qu'ils résistent la parole de Dieu. Ils refusent de changer. Alléluia. Vous êtes là. Yeah. Donc, je suis en train de parler de l'homme est un esprit. Il possède une âme et vit dans le corps. Donc, ton corps est ta maison. La maison de ton esprit. Alléluia. Et la différence que ton corps est temporaire. Ton esprit n'est pas temporaire. Ton esprit va continuer après le cimetière. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas te concentrer sur ton corps. Yeah, tu dois être beau, tu dois être belle. Tu dois faire tout ça là avec les cheveux, les chaussures, les habits. Yeah, tu dois te laver. Alléluia. Yeah. Vous comprenez, vous savez pourquoi nous devons nous laver? Vous savez pourquoi, non? Vous ne savez pas. Yeah. Parce que si on te laisse 2-3 jours, tu vas commencer à dégager certaines choses que les gens à côté de toi ne peuvent pas être là. Alléluia. Yeah. Cela montre combien de fois le corps est inutile. Yeah, toi-même, tu sais même. Si on te laisse 2-3 jours, à voir que non. Yeah. Tu ne dois pas te concentrer. Pour toi, c'est ton visage. Hein? C'est un visage. Il y avait une femme. J'ai garé quelque part un jour et puis la femme est venue se tenir devant la voiture et puis en train de regarder. Et j'ai dit, même la maison ne suffit pas. La maison ne suffit pas. Yeah. Le corps est temporaire. Yeah. Et l'esprit est éternel. L'esprit va vivre toujours. Yeah. Alléluia. Yeah. Donc, lorsque tu es en train de prendre, le moment où tu es en train de prendre soin de ton corps, il ne faut pas oublier ton esprit. Ton esprit. Quel est l'état de ton esprit? Alléluia. Est-ce que tu as nourri ton esprit? Parce que certains, lorsqu'on se lève, c'est la nourriture. La nourriture, c'est pour le corps. Mais la parole de Dieu, c'est pour ton esprit. Yeah. Quel est l'état de ton esprit? C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que ton esprit même est renouvelé? Alléluia. Est-ce que tu as un nouveau esprit? Yeah? C'est la question que je te pose. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. 2 Corinthiens. Est-ce que vous apprenez quelque chose de l'histoire de Lazare et de l'homme riche? Yeah. Lazare et l'homme riche. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est un message très important pour toi ce matin. Yeah. Très important. 2 Corinthiens 4 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Contrairement, même si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si notre corps, notre homme extérieur, c'est ton corps, c'est ce que nous voyons. Si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Se renouvelle. Alléluia. Yeah. Se renouvelle par la parole de Dieu. Se renouvelle. Si nous détruisons, comme le corps souffre, nous avons la parole de Dieu qui nous encourage. Nous savons que c'est bon, ça passe bien. ça va aller. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a le corps, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Il est certain de parler de ton corps physique et puis de ton esprit. On appelle l'homme, c'est parce que c'est l'homme. On va voir ça. Pourquoi c'est l'homme? OK? Éphésiens 3, verset 16. Éphésiens 3, verset 16. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce matin? Yeah. Ce message ce matin, c'est un message de base. Tout chrétien doit comprendre ça là. Tu dois savoir, connaître ces leçons là. C'est, on peut la rappeler leçon. Éphésiens 3, 16. Tout le monde, la Bible, prends ta Bible. Éphésiens 3, 16. Éphésiens 3. Si tu as les livres, c'est dans le livre. Donc, tu peux. Si tu n'as pas le livre, prends ta Bible. Éphésiens 3, 16. La Bible dit quoi? Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Yeah. D'être puissamment fortifié. Tu dois être fort dans l'homme intérieur. Et qu'est-ce qui te rend fort dans l'homme intérieur? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Yeah. Yeah. C'est pourquoi il dit dans 2 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2:2. Il dit quoi? Comme enfant nouveau-né, désirons le lait spirituel et pur afin que vous croissiez. Ah, pour le salut, afin que vous croissiez. L'homme, l'intérieur, le lait pur, c'est la parole de Dieu. Pas le lait Kaneshi ou bien Ideal Milk. Non. Yeah. Peut-être Ideal Milk et tout ça là, c'est pour ton corps. Mais le lait pur, spirituel et pur, c'est la parole de Dieu. Désirez la parole de Dieu. Ce matin, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Désire la parole de Dieu. Désire la parole pour que vous croissiez, parce que ton esprit doit grandir. C'est pourquoi on peut dire, je suis né de nouveau. On ne voit pas quelqu'un qui est né, et puis on le voit, il a 20 ans. Il est le premier jour, il a 20 ans. Non. Le bébé est né, il ne peut même pas parler, il ne peut rien faire. Et donc, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu es né de nouveau. Ton esprit est né de nouveau. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout esprit qui va au ciel. Est-ce que vous comprenez? Yeah, tu es né de nouveau. C'est pourquoi tu dois désirer la part de Dieu pour grandir et pour être fort. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? 1 Pierre 3, verset 4. 1 Pierre 3. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Alléluia. Yeah. Quelques leçons. 1 Pierre 3, 4. Mais qu'il soit l'homme caché du cœur dans ce qui n'est pas corruptible, mais l'ornement d'un esprit doux, paisible, qui est aux yeux de Dieu d'une grande valeur. Alléluia. Parfois, on dit que c'est l'homme est caché. L'homme intérieur, c'est caché. Ton esprit, c'est caché, on ne voit pas. Alléluia. Yeah. C'est caché. Tu es caché. Alléluia. Donc, Daniel, tu es caché. C'est pas ce que je vois. C'est pourquoi il ne faut pas regarder le. Il ne faut pas tout considérer le corps physique. Lorsque tu regardes les gens, il faut regarder quel esprit, quel est l'état de son esprit. Alléluia. Tu veux te marier, quel est l'état de la personne? L'état de l'esprit de la personne. Alléluia. Yeah. Quel est l'état de son esprit? Parce que c'est important. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que la plupart, donc, lorsqu'on veut se marier, c'est le physique seulement. On regarde. S'il est beau, s'il est bas, s'il a les bottes, s'il a quoi? S'il a les cheveux, s'il a les yeux. Oui, c'est bon, Amine. On ne refuse pas, on doit être attiré, on doit aimer ce que nous voyons. On doit aimer ce que nous voyons. C'est la vérité, non? Yeah, on doit aimer ce que nous voyons. Amen. Amen. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est important, c'est ce qui est dans les dedans. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous apprenez quelque chose ce matin? Yeah. Yeah. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, s'il y a un homme extérieur que nous voyons, les yeux, la main, la tête, tout, L'homme intérieur, c'est comment? C'est l'homme intérieur a la même chose. Même chose, les yeux. Parce que l'homme riche a vu de l'enfer. Il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. L'homme intérieur a les yeux. Il a la bouche, il a commencé à parler. Il a dit que Lazare prend son doigt et met ça dans l'eau. Pour venir faire quoi? Rafraîchir la langue. Donc cela veut dire qu'il a la langue. L'homme intérieur a la langue. Yeah. Il a le doigt. Il peut marcher. Il dit envoie Lazare. Donc l'homme intérieur est un homme. C'est un homme. C'est le vent. Parce que les gens pensent que l'esprit c'est pas, c'est le vent qui souffle. Non! C'est un homme. Alléluia. C'est un homme qui vit dans le corps là. Alléluia. Yeah. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton esprit? Wow. L'homme intérieur. C'est quelque chose que tu ne dois pas oublier. Guider. Yeah. Yeah. Yeah. Et donc, une autre histoire qu'on peut leçon qu'on peut apprendre de cette histoire, c'est que tu vas te rappeler. Tu vas pas oublier. Oh. Yeah. Un jour, tu vas te rappeler. Ah, le gars là, il était là, prêchait dimanche matin. Lorsque tu te retrouves dans l'enfer ou bien au ciel. Il y a les gars là, il a dit ça. Oh. Il a dit que j'ai l'âme. Donc tu te rappelles. Parce que l'homme riche, ils se sont rappelés. Lazare a vu le riche là dans l'enfer. Et puis le riche l'a vu au ciel. Alléluia. Donc se rappelle. Il dit, Abraham a dit quoi? Rappelle-toi que tu as reçu tes biens lorsque tu étais sur la terre. Alléluia. Rappelle-toi. Donc tu vas te souvenir de tout ce que on a dit. Tu vas te rappeler de toutes les paroles. Toutes les paroles. Toutes les choses que les gens t'ont dit. Tu vas te rappeler. Wow. Parce que, amen. Il y a avant, je ne sais pas si les gens disent ça toujours. Kavao, lorsque je meurs, c'est fini. Yeah. Lorsque je meurs comme un chien sur la route, que la voiture a cogné et puis c'est fini. Yeah, c'est pourquoi les gens se comportent de la manière. C'est ça, non? Yeah. De la manière. De la manière. La fois passée, j'ai dit qu'il y avait les gens qui ont tué un collègue au boulot. Yeah, ils l'ont tué comme ça. J'ai dit que, ah, donc si tu penses qu'un jour, il y a un endroit qu'on appelle enfer, tu vas juste tuer quelqu'un comme ça? Ou bien? Yeah! Un jour. Wow! Il ne faut pas oublier. Lorsque tu oublies sur la terre, dans l'enfer, tu vas te rappeler. Alléluia. Amen. Lorsque, une autre leçon, lorsque tu meurs, tu seras transporté par les anges. Si tu es sauvé. Yeah. Transporté par les anges. Amené dans le sein d'Abraham. Yeah. Alléluia. Yeah. Attends, transporté. Mais lorsque tu n'es pas sauvé, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe chapitre 14, verset 19, verset 9. Ésaïe 14, verset 9. Ok, on va lire ça ensemble. Les anges ont emporté Lazare, qui est sauvé, qui était sauvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme riche? Peut-être que lorsqu'il est mort, on l'a amené à l'hôpital, le meilleur hôpital de son temps. On l'a mis dans un endroit, un bon endroit, bien préparé. Ou bien, c'est ce qui se passe, non? Mais Lazare qui était avec les autres, hein, dans la morgue commune, avec les autres. Est-ce que vous voyez? Yeah. Yeah. Vous avez toutes sortes de personnes. On les met ensemble. Yeah. Yeah. Tu vas voir, Les femmes, les hommes, les enfants, tous sont dans un même endroit, là, mais dans les morgues d'Afrique. La plupart des morgues d'Afrique, c'est ça, non? On les met ensemble. Tu vas voir que le pied de quelqu'un est dans la bouche de l'autre. Hey, c'est pas facile. Dans la Ésaïe, qu'est-ce que la Bible dit? Le séjour. Vous êtes là? Ésaïe 14, verset quoi? Verset 9. Le séjour de quoi? Des morts. Le séjour des morts s'émue jusque dans ses profondeurs. C'est pourquoi nous pensons que l'enfer, c'est en bas. En dessous d'eux. Parce que tu meurs, tu vas aller en bas. Mais ceux qui sont sépulés vont au ciel. Monte. Alléluia. Pour t'accueillir de ton arrivée. Il réveille devant tous les hommes, tous les grands de la terre. Hein? Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Le séjour des morts s'est mis jusqu'à ses profondeurs. Pour t'accueillir à ton arrivée, qu'est-ce qu'ils vont t'accueillir? Les démons. Les démons vont t'accueillir. Donc, Aquaba Ladies, Aquaba, je ne sais pas, Aquaba Men, Aquaba Ladies, Aquaba Démon. Ok. C'est la vérité. Alléluia. Je vous ai parlé de l'histoire du gars qui est mort, le professeur. Et puis, les démons ont venu le prendre. De l'hôpital. On dit, viens, viens, viens, viens, viens, viens. Et de plus en plus, en vont, de plus en plus, l'atmosphère devient plus sombre. Jusqu'à arriver à un moment où, il ne voyait rien. Alléluia. Amen. Est-ce que nous apprenons quelque chose? Une autre leçon. Il existe un lieu, où le ver ne meurt pas. Où le feu ne s'éteint pas. Alléluia. Le feu ne s'éteint pas. Le feu brûle toujours. Est-ce que tu veux aller dans cet endroit? C'est l'endroit où on cherche une goutte d'eau. On ne trouve pas. Une goutte d'eau. Est-ce que tu peux imaginer lorsque... tu me visites et puis je te donne une goutte d'eau. Tu vas dire, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois bien? Qu'est-ce qui se passe? Mais dans l'enfer, une goutte d'eau, on ne trouve pas. Les gens ont soif, ne trouvent pas. Wow. Est-ce que vous êtes là? Une autre leçon. L'homme riche était très préoccupé de ses parents, par ses parents, que ses parents ne viennent pas à cet endroit. Lorsque tu arrives dans l'enfer, il y a seulement une seule préoccupation. Seule. Tu as un seul souci. Est-ce que tu as beaucoup de soucis en ce moment? Tu as beaucoup de soucis? Tu as des soucis? Tout le monde a des soucis. J'ai des soucis. Tu as des soucis. Alléluia. Tu as des soucis. Lorsque tu es seul, tu as des soucis. Lorsque tu te maries, tu as des soucis de ton mari qui t'ajoute à ses soucis. Bien de ta femme. Et lorsque tu as des enfants, il y a des soucis qui t'ajoutent. Ça ajoute. Tu trouves un boulot, il y a des soucis qui s'ajoutent. Tu es riche, il y a un souci qui s'ajoute. Parce que tu es riche, tu as un souci. Tu es pauvre, il y a un souci qui est là. C'est fort. C'est pourquoi lorsqu'il y a des gens qui disent, non, je veux réduire ce problème avant de venir à l'église, je veux que ce problème parte avant que je commence à servir le Seigneur. Les problèmes seront toujours là. on aura toujours des soucis. Lorsque tu finis de résoudre un souci qui se présente. Les gens vont dire que bon, c'est comme les riches n'ont pas de soucis. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Même l'argent même, c'est un souci. Yeah? Le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est un souci. Yeah? Un jour, la semaine passée, il y a ma femme qui a pris, il a donné l'un de mes, c'est, comment on l'appelle, veste, yeah. À une brebis. Yeah. Il a donné comme leur tenue, quoi. Donc, il a donné, et puis, la brebis a dit, non, c'est le truc là, je ne peux pas mener ça à la maison. Parce que s'il y a maintenant à la maison, j'ai deux gars, deux amis là, vont voler. Il n'a pas de veste, c'est un souci. On lui a donné du veste, c'est un souci. En fait, elle a donné deux. Donc, elle a demandé, OK, que ma femme garde une. Et puis, l'autre, là, il va porter ça le lendemain. Mais il va dormir, il va mettre ça. Parce que ses amis, il est dans la même chambre avec ses amis. Ses amis sont des voleurs. Yeah! Donc, c'est un souci. Tu en as, c'est un souci. Tu n'en as pas, c'est un souci. Donc, tu ne dois pas attendre de finir de résoudre tous les problèmes avant de servir le Seigneur. Sinon, tu ne vas jamais servir le Seigneur. Tu ne vas jamais. Tu ne vas jamais. Tu ne vas jamais. Tu n'as pas d'argent, viens à l'église. C'est le Seigneur. Tu as de l'argent, viens. Viens à l'église, c'est le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Mais le seul souci, tu ne vas pas avoir des soucis d'argent. Pas de soucis d'argent, pas de soucis de mari, parce que là-bas, il n'y a pas de femme. La Bible, il n'y a pas de femme et de mari. Il n'y a pas de mariage au ciel. Ou bien, dans le monde spirituel, il n'y a pas ça. Donc, tu ne vas même pas penser à tes amis et tout ça là, non. Une seule chose, que tes parents, tes amis, tes enfants, tes frères et sœurs, qui ne sont pas sauvés, qui mène la même vie que tu as menée et tu t'es retrouvé dans l'enfer, ne viennent pas à cet endroit. C'est le seul souci que tu auras. Comme l'homme riche. L'homme riche, il est devenu évangéliste, pasteur. Il n'allait pas à l'église, mais il est devenu pasteur. Il a dit, hey, pour se repentir, pour que mes frères et mes soeurs se repentissent et puis ne viennent pas dans cet endroit. Au moins, moi seul, ici, là, je serai seul ici. Est-ce que vous comprenez? Yeah! Yeah! Yeah! À tes amis que tu n'invites pas, à qui tu ne parles pas de Jésus, mais tu manges avec eux, un jour, wow! J'allais. On doit parler de l'enfer et du ciel. On a parlé de Jésus-Christ, de salut aux gens. Ce n'est pas une histoire, un roman. Ce n'est pas un roman. La Bible, ce n'est pas un roman, c'est réel. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un roman. Alléluia. Ah. Est-ce que tu es sauvé ce matin? Tu es sauvé? C'est la question. Ton esprit, est-ce que ton esprit est né de nouveau? Hein? Est-ce que ton esprit, c'est la question que je vais te poser ce matin? Wow. Wow. Une autre, comment on dit, leçon qu'on peut apprendre. Leçon. Vous voyez, le salut. L'homme riche, d'accord, nous montre, il veut nous enseigner quelque chose de beaucoup de personnes. Qu'on veut voir un miracle avant de croire. On veut voir quelque chose de dramatique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, envoie Lazare dans le monde des vivants. Est-ce que tu peux imaginer, on dit que Lazare est ressuscité des morts. Afin que mes frères croient. C'est ça, non? Bien. Yeah. Que Lazare parte. Lorsque Lazare, il a dit que lorsque Lazare part, les gens vont croire. Donc beaucoup de personnes veulent voir quelque chose. Ou bien ce matin, tu es venu, tu veux voir que le pasteur va faire une magie avant de croire en Dieu. Yeah. Ce n'est pas possible. Je vais rien faire. Je vais seulement prêcher la parole de Dieu. Yeah. Yeah. Et beaucoup de personnes attendent à voir quelque chose. Yeah. Voir quelque chose. Les Juifs attendent l'arrivée du Sauveur. Alors que l'arrivée du Sauveur est déjà passée. Yeah. Les Juifs. Yeah. Parfois je dis que il faut pas. Par exemple, les gens disent que non, si j'étais dans le temps de Jésus, j'allais croire tout ce qu'il va dire. Yeah. C'est pas ça. Beaucoup de nous, même si on voit quelqu'un ressusciter d'un train de mort, on ne va pas croire. Yeah. On ne va pas croire. On va commencer à faire des analyses. Les journalistes vont aller, vont faire leurs commentaires. Est-ce qu'il vraiment il était mort? Est-ce que ce n'est pas pour nous tromper? Yeah. C'est pourquoi il faut faire attention lorsque tu prends l'Internet, tu fais des recherches. Les gens prennent l'Internet pour faire des recherches pour comprendre la parole de Dieu. Mais les gens ont mis des commentaires pour annuler ou bien pour, pour nous embrouiller. Yeah. Sur les choses qui sont dans la Bible. Les gens écrivent les choses et puis on lit et puis on croit. Il ne faut pas chercher des miracles. Il faut seulement croire en la parole de Dieu. Seulement croire. Et il faut faire attention. Lis la Bible. Et demande au Saint-Esprit de te donner la compréhension. Beaucoup de personnes ont critiqué Jésus. Qui est Jésus? Jésus est comme Mohamed. Ce n'est pas vrai. Jésus n'est pas Mohamed. Jésus n'est pas Mohamed. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu. La Bible dit qu'il est Dieu venu en un être humain. Alléluia. Jésus est le semeur, la vérité et la vie. C'est ce que la Bible dit. Si tu vas sur l'Internet, les gens vont écrire, dire que ce n'est pas vrai. Les gens vont écrire beaucoup de choses, dire que non, Jésus n'est pas, non, ce n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas la vérité, il n'est pas le chemin pour le salut. Non, ils vont écrire beaucoup de choses pour te confondre. La confusion. Donc ne cherche pas un miracle. Parce que même lorsque le miracle arrive, quelqu'un se ressuscite maintenant. Dit que, oh non, l'affaire est... Tu vas commencer à douter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Prends la Bible et commence à croire. Et tu vas voir des miracles dans ta vie. Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Une leçon, dernière leçon avant de partir. C'est que le salut va venir toujours par la prédication de la parole de Dieu. Toujours prédication de la parole de Dieu. Prédication de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Abraham a dit, s'il ne croit pas les prophètes, il ne croit pas Moïse, il ne va jamais croire même si quelqu'un se ressuscite dans les morts. C'est par la prédication sur la terre, par nous, que nous voyons, nous sommes les êtres humains. Avec nos erreurs, nos faiblesses, on va prêcher la parole de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne vas jamais croire, même si quelqu'un se ressuscite dans les morts. Yeah. Yeah. C'est tes amis qui vont venir te parler de Jésus. Si tu ne crois pas, tu ne vas jamais croire, même si quelqu'un vient dans les morts. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Mais ce matin, ton homme intérieur, toi-même, ce n'est pas ton homme, c'est toi. L'homme intérieur, c'est toi. La vraie personne, c'est ton esprit. La vraie personne. Ce n'est pas ce que je vois. Si tu regardes Ornan, ce n'est pas toi. Toi, c'est pas. Ça, c'est la maison de Ornan. C'est la maison de Alberic. C'est la maison de Stéphane que je vois. La vraie personne, c'est la personne qui est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la personne là qui va vivre pour toujours. La maison, c'est le corps que nous voyons. À partir de, lorsque tu vois les personnes, il faut voir au-delà du corps. Est-ce que cette personne est sauvée? Si Jésus arrive maintenant, est-ce que la personne va aller au ciel avec moi? Et commencer à parler. Commencer à prêcher la parole de Dieu. Commencer à parler du salut et de l'enfer et du ciel. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Quelques leçons de Lazare et de l'homme riche. Waouh. Waouh. Je sens la présence de Dieu ce matin. Pour te sauver. Pour te sauver de l'enfer. De l'enfer. Levez-vous. Levez-vous. Une question que je vais te poser ce matin. Fermez les yeux. Et commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur ce matin. Dis merci pour sa parole. Dis merci. Mais le Seigneur se pose une question. Quel est l'état de l'homme intérieur? Quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état? Si tu n'es pas sauvé, tu ne vas jamais aller au ciel. Tu ne vas jamais aller dans le sein d'Abraham comme l'homme pauvre, comme Lazare. Tu vas te retrouver dans l'enfer. Ce n'est pas les riches qui vont dans l'enfer. Ce n'est pas les pauvres seulement qui vont au ciel. Mais ceux qui sont sauvés, ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ont donné leur vie, ce sont ceux-là qui vont au ciel. Quel que soit ton statut, tu es femme, tu es homme, tu es belle, tu n'es pas belle, tu es beau, tu n'es pas beau, tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, peu importe ces caractéristiques, c'est seulement ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ que Dieu a envoyé, ont cru à le sacrifice et ont confessé, ont proclamé, ont invité, ont accepté Jésus. Ce sont ceux-là qui vont au ciel. Ce n'est pas les pauvres. Si tu es riche, tu peux aller au ciel. Si tu crois et tu donnes ta vie. Si tu es pauvre et tu ne donnes pas ta vie, tu vas te retrouver aussi dans l'enfer. Mais ce matin, la question que le Seigneur veut te poser, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu veux donner ta vie ce matin? Parce que tu as l'opportunité maintenant pour donner ta vie. Les yeux fermés, tout le monde, les yeux fermés. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux dire, non, je ne veux pas être comme l'homme riche. Je veux croire maintenant. Et je veux donner ma vie. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Lève la main. Merci ma soeur. Merci mon frère. Merci. Merci. Je vois, lève la main. Lève la main. Je vois ta main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Toi aussi, lève la main. C'est l'enfer et le ciel. L'enfer. Tu choisis le choix. Tu es en train de faire un choix entre l'enfer et le ciel ce matin. Tu veux dire, Seigneur, je crois. Je ne veux pas aller dans l'enfer. Je t'accepte ce matin. Je te donne ma vie ce matin. Lève la main. Tous ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez venir devant? On va prier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Venez. S'il vous plaît. Viens. Viens. Viens. Ma soeur, viens, viens. Ma soeur, viens. Tu as levé la main. Tu n'as pas levé la main. Acclamez pour eux. Acclamez. Acclamez. Fermez les yeux. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir. Ce n'est pas la honte. Ah, mais je pense pas. Tout le monde ici, si quelqu'un est déjà ici, il a déjà fait ça. Tout le monde a fait ça. Ce n'est pas la première fois. Et ce matin, je veux dire, fermez les yeux, s'il vous plaît. N'aie pas honte. N'aie pas la peur. Ce n'est pas la peur. C'est la joie plutôt. C'est la joie. Donc, si tu es là et tu voulais venir, mais tu n'es pas venu, est-ce que tu peux venir? Il y a une fois. Tu dois avoir une autre opportunité. Tu veux venir, viens et rejoins. Tu ne sais jamais parce que c'est pas la grâce de Dieu que tu es là ce matin. Peut-être que c'est ta dernière opportunité de donner ta vie à Dieu. Et donc si tu es là et tu n'es pas, tu peux venir, viens. Viens les rejoindre. Viens. Viens. Viens. Je t'attends. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Viens. Viens, je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Seigneur, merci. Ceux qui sont devant moi, nous allons prier une prière. Et faire cette prière, ta propre prière. La Bible dit, lorsque nous croyons et nous confessons, nous serons sauvés. Nous croyons en Jésus-Christ et nous confessons Jésus, nous sommes sauvés. Et ce matin, c'est la prière que nous allons faire ensemble. Et donc, répétez après moi, dit Seigneur, je te remercie. Et tout le monde, c'est la même chose. Tout le monde répète après moi, Seigneur, je te remercie. Merci pour Jésus. Merci pour le salut. Merci pour le sang qu'il a versé pour moi. Seigneur, merci pour ce matin, pour ta parole. Seigneur, je crois et je confesse que Jésus est le Sauveur. Ce matin, je l'invite dans ma vie. Je veux le servir le reste de ma vie. Seigneur, merci. Pardonne-moi tous mes péchés. À partir de ce moment, les péchés que j'ai faits dans le passé. Seigneur, pardonne-moi tous ces péchés au nom de Jésus. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre. Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je veux le servir le reste de ma vie. Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ces personnes?